Alors, l'entreprise à laquelle participent les femmes sionistes que je vais évoquer ici est celle d'une colonisation particulière, donc celle de la Palestine, et au cours de la période que je vais évoquer. Donc, la Palestine est sous domination de l'Empire ottoman d'abord, et puis à la fin de la Première Guerre mondiale, celle de l'Empire britannique. Aucun des deux empires ne met en place une colonisation directe de la Palestine. Mais par contre, cette colonisation va être en partie réalisée par donc des migrants juifs qui arrivent d'Europe à partir des années 1880, au cours de différentes vagues migratoires. Et ces vagues se renforcent. Alors j'ai fait un petit récapitulatif de ces vagues dans mon surécran. Elles se renforcent à partir surtout de la Première Guerre mondiale et de la déclaration Balfour émise par la Grande-Bretagne. Alors, au cours de cette entreprise de colonisation de la Palestine, on va rencontrer un certain nombre de femmes qui viennent participer au développement du foyer national juif. Mais à part quelques figures héroïsées, elles ont été globalement oubliées de l'historiographie consacrée à cette période, qui pourtant a été assez largement présentée comme un âge d'or des rapports sociaux de sexe et une période présentée comme ayant permis l'égalité entre hommes et femmes. Alors cette contribution, j'essaie d'être assez bref parce que le thème est évidemment très très large, se propose donc de revenir rapidement sur le sort de ces invisibles et aussi sur les raisons de leur invisibilité. Alors, simplement pour illustrer un petit peu cette absence des femmes de l'historiographie classique du sionisme et de la Palestine, je vais prendre deux exemples. D'abord, signaler que ces histoires du sionisme et de la Palestine ont été écrites pendant très longtemps par des hommes et qui ont manifestement porté peu d'intérêt au sort donc des femmes. Alors, donc voilà deux exemples rapidement. Un grand classique de l'histoire du sionisme, l'ouvrage de Walter Laqueur, qui en fait ne fait même pas apparaître dans l'index de l'ouvrage le terme de femme. Donc, et on évoque dans ce texte uniquement quelques figures de femmes qui sont très très représentées dans l'iconographie israélienne, donc, en particulier Henrietta Sol, donc, que vous voyez à l'écran, mais j'y reviendrai éventuellement dans la discussion, puis un petit peu plus loin. Même lorsque ces études s'intéressent plus spécifiquement à la Palestine, les femmes n'apparaissent pas. C'est le cas notamment dans l'ouvrage qui a été écrit par un historien et journaliste israélien, et c'est un très très grand succès, The Israelis, Fathers and Sons, comme pour l'ouvrage précédent, tout début des années 1970, qui s'intéresse, vous le voyez comme le titre l'indique, avant tout aux hommes, aux pères fondateurs. Et donc là, de la même manière, on a simplement quelques mentions de personnages féminins qui sont censés en fait incarner le reste, l'ensemble des femmes de Palestine. Et en même temps, il est dit qu'évidemment, ces quelques personnalités sont des cas exceptionnels, des figures de femmes exceptionnelles. Alors, donc, la lecture de l'ensemble de ces ouvrages peut laisser croire à une absence des femmes de la colonisation sioniste de la Palestine. Par ailleurs, cette absence historiographique, elle coexiste avec une représentation dans les iconographiques très fortes d'images de pionnières, donc des femmes qui travaillent dans les champs. Donc là, couverture d'un ouvrage qui s'intitule justement donc la laboureuse. Donc vous voyez que sur la photo du haut, en fait, c'est une femme qui laboure. En dessous, ce sont des femmes qui pavent des routes. Image également de femmes qui s'entraînent au maniement des armes et qui vont défendre les colonies, notamment. Les terres détenues par les colons sionistes, au sein d'une structure de défense, la Haganah, qui est l'ancêtre de l'armée israélienne Tsahal. Alors, on peut évidemment avoir du mal à évaluer quel a été le rôle de ces femmes entre une absence dans l'historiographie et puis une représentation quand même iconographique assez forte qui passe par la littérature, par les films et par quelques photos insérées dans certains ouvrages historiques. Pour en savoir un petit peu plus, on dispose d'un certain nombre d'études statistiques. Et puis, l'autre grande source, ce sont les témoignages personnels. Loin d'être marginales, les femmes représentent une part croissante des vagues migratoires qui se succèdent vers la Palestine à partir des années 1880, au point de parvenir à une sorte à l'égalité avec les hommes, à partir de 1939. On a autant de femmes que d'hommes qui immigrent en Palestine. Qui sont-elles ? En fait, au tout début de la colonisation, elles sont surtout des femmes qui accompagnent leur mari, frère, père. Et puis, à partir de la deuxième vague de migration, elles sont davantage déterminées à participer à un projet politique. Et donc, elles sont beaucoup plus politisées. Tandis qu'on va avoir très rapidement ensuite un nouveau changement à partir de la quatrième vague que vous voyez ici, au début des années 1920, où en fait l'immigration en Palestine devient surtout une fuite de l'antisémitisme européen, plus que, mais bon là il faudrait revenir en détail, qu'un véritable projet politique. Alors globalement ces femmes, surtout des premières à la troisième vague migratoire, sont des femmes qui sont issues de familles européennes ou américaines bourgeoises, plutôt aisées, cultivées, imprégnées des idées nouvelles, des progrès qu'ont pu connaître donc les femmes, notamment en termes d'éducation en Europe. D'ailleurs, elles ont en général une éducation de bon niveau. Certaines ont commencé des études supérieures. Ce sont des femmes jeunes, souvent sans attache. Donc là, on a un grand nombre d'indications à travers les données statistiques sur leur situation personnelle, familiale. Et une partie d'entre elles se déclare active au moment où elles entrent en Palestine, certes en proportion bien moindre que celle des hommes, puisqu'environ 20% des femmes se déclarent actives contre près de la moitié des hommes. Mais il faut souligner cette démarche volontaire d'un certain nombre de femmes qui arrivent en Palestine de participer donc à un projet politique, le sionisme. Et le sionisme pratique, hein, donc, c'est-à-dire la colonisation du territoire palestinien. Alors qu'est-ce qu'elles font une fois qu'elles arrivent en Palestine ? Elles vont se diriger vers le monde rural où elles vont en fait représenter à peu près 45% des membres des colonies agricoles au moment de leur plein développement, c'est-à-dire au milieu des années 20. Et on va trouver des femmes systématiquement dans les colonies lorsqu'elles sont fondées. Et en particulier, leur part va être très importante dans les colonies type collectiviste, donc le kibbutz, où elles représentent à peu près la moitié des membres au tout début des années 40, donc à la fin de la période qui nous intéresse ici. À partir de la deuxième vague migratoire, elles participent beaucoup aux travaux agricoles, en tout cas elles le souhaitent, et elles s'occupent également donc, du petit élevage, du potager, de la récolte des fruits, et ça on le sait notamment grâce à un certain nombre de témoignages, donc par exemple les mémoires de Golda Meir, par exemple, qui était aussi la grande figure incontournable représentée dans l'iconographie et dans les ouvrages israéliens. Alors, vous voyez donc là une espèce d'omniprésence hein, de Golda Meir qui a été Premier ministre d'Israël. Donc, ces mémoires font apparaître également que quand elles veulent travailler à des travaux considérés comme les plus prestigieux, comme les plus productifs, c'est-à-dire par exemple labourer la terre, construire de nouveaux bâtiments, les femmes ont du mal à s'imposer et elles rencontrent une fréquente hostilité masculine et elles sont davantage envoyées, notamment dans les colonies, y compris collectives, collectivistes, au travail en cuisine, à la garde des enfants, à la blanchisserie, etc. Donc on le voit, hein, l'imagerie que j'ai évoquée au tout début de mon propos, elle correspond à une partie seulement des femmes, puisque la grande majorité, en milieu rural par exemple, n'occupe pas un rôle dans la production ni même dans l'agriculture, mais un travail domestique. C'est encore plus vrai dans les colonies non collectivistes. Contrairement aux représentations qui les montrent souvent en milieu rural, c'est cependant, plus encore d'ailleurs que pour les hommes et au fil des années de plus en plus, en ville que s'installent les migrantes juives, alors qu'elles sont largement représentées comme étant des femmes rurales. Un tout petit nombre d'entre elles correspondent aux stéréotypes véhiculés, notamment en Israël, travaillent dans la construction, avec là encore, hein, des images de femmes maçonnes, de femmes qui posent du carrelage. Les images sont d'assez mauvaise qualité, mais on a ces représentations qui correspondent à effectivement au sort d'un très petit nombre de femmes, en gros moins de 15% dans ces professions et de moins en moins. Elles exercent en fait en ville surtout des métiers de la domesticité, de la santé. Et elles sont aussi largement ouvrières dans l'industrie. Beaucoup n'ont pas de qualification et pas non plus de métier fixe, en fait. Dans l'ensemble, donc, c'est globalement le secteur tertiaire qui va occuper les femmes dans des métiers qui sont présentés comme étant une sorte de prolongement des qualités supposées féminines, donc les métiers du soin, de l'éducation. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la période, on a une spécialisation accrue des métiers par sexe, avec un écart salarial qui existe au départ et qui se maintient, et contre lequel s'érigent les féministes qui sont assez actives au cours de ces périodes. Mais ça, c'est un autre aspect, je n'ai pas le temps de développer ici. Enfin, il faut souligner que, contrairement aux représentations que j'ai évoquées, les femmes actives représentent une minorité des femmes, y compris en ville, à peu près 20%. Donc c'est loin de l'imagerie, qui se diffuse. Deux autres domaines d'action des femmes juives de Palestine peuvent être évoqués, la défense des colonies, dont j'ai montré quelques images, et la vie politique. Donc là encore, on a un écart entre la représentation et ce qu'ont vécu les femmes, qui obtiennent rarement et tardivement, c'est-à-dire à partir de la fin des années 30, la possibilité de monter la garde dans les colonies, de participer à la défense, donc dans la Haganah. Et donc c'est une image là encore qui est relativement trompeuse, et la participation politique où on a si vous voulez un droit de vote qui est acquis effectivement assez tôt, 1926-27, hein, donc on a une ratification du droit de vote, mais les femmes se font élire en petit nombre, elles ne sont pas forcément d'ailleurs éligibles par exemple dans les municipalités, donc on a encore représentation qui est quelque peu trompeuse et par contre une moindre disons qu'il y a un écart très fort entre les faits et puis en réalité la conscience politique, le développement du féminisme qui là n'est absolument pas représenté. Donc on ne peut pas parler véritablement d'une société égalitariste qui ne ferait pas de distinction entre hommes et femmes, contrairement à ce que certains et certaines pouvaient attendre et espérer en arrivant en Palestine. Et les rapports sociaux qui se sont établis sont restés largement traditionnels, au détriment des femmes plus précaires, dotées d'un moindre prestige social, souvent isolées, parfois déprimées, voire suicidaires, et puis avec également un plus fort taux d'émigration de Palestine que pour les hommes. Ces écarts se sont prolongés après la création de l'État d'Israël, entre exaltation de quelques figures héroïques et inégalité persistante entre hommes et femmes, sinon dans le droit, au moins dans les faits. On pourra y revenir éventuellement. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer d'expliquer ce que je viens de souligner, cet écart notamment? C'est probablement dans les principes et dans le contexte de la colonisation sioniste qu'on va pouvoir trouver quelques pistes d'explication. Alors, je voudrais citer le propos d'Yvonne Knibiller, qui gardera les enfants, effectue un rapprochement entre colonisation et domination masculine. Elle explique que la colonisation lui apparaît comme une métaphore du masculin. Elle dit « coloniser, c'est conquérir, posséder, pénétrer, féconder ». En effet, évidemment, la colonisation est avant tout domination. Ici, des Arabes par les Juifs, d'autant que la faible densité de population arabe palestinienne nourrit l'illusion assez commode des immigrants juifs de trouver une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Il s'agit donc ici, pour les sionistes comme dans d'autres contextes coloniaux, d'affirmer leur domination en acquérant la terre pour implanter les nouvelles colonies dans lesquelles les travailleurs juifs vont remplacer la main-d'œuvre arabe, en construisant des institutions qui constituent une sorte de pré-État qui rassemble la communauté juive, en prenant le contrôle des municipalités palestiniennes et puis en menant une véritable course démographique avec la population arabe, perçue comme une menace contre laquelle d'ailleurs sont mises en place donc les structures défensives que j'ai évoquées comme la Haganah. Cette négation crainte de la population arabe a donc des répercussions directes sur le sort des femmes juives de Palestine qui sont en fait chargées de parvenir à une modification de la composition de la population de Palestine au profit donc de la communauté juive. Et effectivement, le rapport entre la population juive et arabe de Palestine va passer de 1 pour 10 à 1 pour 2 entre 1918 et 1948. On comprend dès lors que soit avant tout mise en avant chez les femmes, non pas leur activité professionnelle, mais leur aptitude à faire, à élever des enfants, à produire, à reproduire la nation. Et puis, évidemment, c'est quelque chose qui se poursuit après la création de l'État et le début des guerres israélo-arabes. On comprend aussi donc que les travaux considérés comme trop épuisants physiquement, la construction, la maçonnerie, le labour, ne soient pas faciles d'accès aux femmes, avec des résistances masculines mais aussi féminines, qui s'expliquent par la volonté de ménager les femmes, de préserver la santé, les forces de celles qui sont amenées à enfanter. De la même manière, c'est cette priorité de la maternité qui va les exclure des structures de défense et dans l'armée du front, hein, donc où elles vont être exclues des combats pour éviter la disparition des reproductrices de la nation, entre guillemets, hein, et par peur également des viols qui constituent une intrusion de l'ennemi dans le corps de la nation. Donc les femmes sont largement confinées au foyer, ce qui permet aussi d'ailleurs de minimiser les risques d'union mixte. Cette conception, elle s'explique par deux autres facteurs. Cette conception du rôle des femmes, les juifs qui viennent s'installer en Palestine amènent avec eux évidemment le modèle des rapports sociaux de sexe occidentaux, européens, selon lesquels la place des femmes, en particulier dans la bourgeoisie et les classes moyennes dont sont issus nombre de migrants juifs, est avant tout à la maison. Et si une partie souhaite mettre en place une nouvelle société, l'influence des traditions, la recherche aussi d'une efficacité immédiate de la répartition des tâches conduisent à reproduire les schémas qui existaient avant la migration. Et puis enfin, un facteur clé est celui de la spécificité du sionisme, qui est une colonisation par des dominés qui aspirent à devenir des dominants. Donc le sionisme se présentant comme une forme d'émancipation qui doit rompre avec la diaspora et notamment avec la figure rejetée du juif de diaspora qui est présenté comme faible, comme en fait efféminé et qui se perçoit lui-même hein, de cette manière et donc va s'opposer à ce juif diasporique, le nouvel hébreu qui doit émerger en Palestine, avec les armes du colon classique, la maîtrise des terres, la force militaire, une administration qui n'intègre pas ou à la marge les colonisés. Et cette aspiration, elle est partagée par les différents courants politiques du sionisme, elle transcende les clivages politiques. Et son aboutissement, c'est le modèle qui est du Sabra, donc qui s'impose en Israël. Donc le Sabra, c'est la fille de barbarie hein, qui pique à l'extérieur mais qui est douce à l'intérieur. L'image de la force qui doit être présenté à l'extérieur tout en gardant l'émotion, la douceur intérieure. Et ces figures vont être incarnées, ce modèle va être incarné par quelques grands soldats, comme par exemple Yitzhak Rabin, qui vont profiter de leur succès militaire pour accéder à des postes politiques de premier plan. Et donc un nouvel hébreu, un sabra, qui est tout entier dans la sphère publique, dans la maîtrise technique, qui est protecteur, qui va assurer la survie nationale en défendant les femmes, les enfants, les colonies. Et donc on a une hypervalorisation des valeurs de défense, des impératifs de sécurité, qui va s'exprimer au détriment des femmes, qui sont celles, au contraire, qui doivent être protégées et qui doivent nourrir la nation de nouvelles pousses qui vont remplir ce rôle de défenseur de l'État après sa constitution. Juste deux mots pour terminer et pour dire que cette emprise des valeurs militaires nourrit la domination et la hiérarchisation de la société. Et on va retrouver un schéma de domination. Donc il y a celui des hommes par les femmes globalement, qui n'ont pas le même accès à la défense, aux fonctions prestigieuses, et qui sont dans des rapports inégalitaires avec les hommes en Palestine puis en Israël, mais également entre les groupes dominants de la communauté juive, les juifs orientaux ont moins participé, en tout cas jusqu'en 1948, à la défense et à la construction des valeurs de la société juive de Palestine. Certains sont arrivés des pays arabes, ont été intégrés, en fait, dans la catégorie de ceux qui devaient être dominés. Et puis, bien sûr, en bas de l'échelle, on trouve donc les Arabes colonisés, ce qui fait qu'on a une sorte de pyramide à la base de laquelle se trouvent donc les femmes arabes, les plus, au plus bas de l'échelle, et au sommet, pendant très longtemps, même s'il y a eu un rééquilibrage et que ça s'est modifié, des hommes juifs ashkénazes. Et cette disposition a induit la création de partis qui regroupent des dominés, de mouvements de femmes juives et arabes, par exemple, qui partagent un même sentiment de domination dans une société sous l'emprise d'une virilisation, le terme a été notamment utilisé hier, et d'une domination des valeurs militaires qui les exclut largement. Donc on voit que la question du genre et de la colonisation permet d'éclairer finalement la lecture de la société, et en l'occurrence israélienne, dans sa totalité. Je vous remercie.